Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Quelle bonne idée, vous nous parlez du nouveau magazine proposé par Patrick Boucheron et diffusé sur Arte. Quelle belle chaîne, un magazine qui aborde l'histoire par le prisme des objets. Dans le nouveau magazine d'Arte consacré à l'histoire, intitulé sobrement « Faire l'histoire », Paulin Ismar retrace l'histoire de l'ostracone, un objet de rien en apparence, un disque de 20 cm, mais fondamental dans le fonctionnement de la vie politique de la Grèce ancienne. L'ostracone est donc un déchet précieux, un fragment de poterie qui nous raconte comment les Grecs dans l'Antiquité s'assuraient que leurs élus s'engagent à remplir correctement leurs fonctions. C'est sur ce morceau d'argile qu'était inscrit le nom de celui qui avait fauté, une inscription synonyme d'ostracisation, l'expulsion et l'exil de ceux qui avaient mal gouverné ou qui avaient montré un comportement jugé inapproprié. L'histoire de la sanction politique à Athènes au 5e siècle. En même temps, l'ostracisme nous rappelle qu'au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, il y a l'idée de ce peuple souverain qui exerce un contrôle absolu sur sa classe dirigeante. Étudier l'ostracisme et plus largement la démocratie athénienne, c'est aussi faire l'expérience de la dissonance ou d'une dissonance entre ce qu'a été la démocratie ancienne et notre propre conception de la démocratie. La démocratie, lorsqu'elle s'invente au 5e siècle avant notre ère à Athènes, se construit contre la possibilité du retour de la tyrannie. Contrôler ceux qui gouvernent est alors devenu un enjeu majeur du fonctionnement du régime. Les magistrats de l'Ecclésia, l'assemblée de 30 000 citoyens qui légifèrent, votent chaque année en janvier pour décider si certains Athéniens méritent une sanction pour leur comportement nuisible à la démocratie dans l'année passée. Lorsqu'un citoyen mérite une sanction, il est exclu de la cité, son nom gravé sur un tesson, ce qui lui indique la porte de sortie pour 10 ans sans possibilité de se défendre. Pour autant, une fois passé cette période d'exil, il peut revenir et retrouver ses biens, ses propriétés et sa place dans la société. L'ostracisation est un contrat à durée déterminée. En cas de nécessité, danger imminent ou expertise requise, la cité se réserve le droit de les rappeler avant la fin de cette peine d'éloignement. Dans les années 480, Aristide, le champion de la bataille de Platée contre l'Empire perse, est ainsi rappelé alors qu'il est ostracisé depuis 3 ans pour conduire les troupes athéniennes pendant la Deuxième Guerre Médique. Au 5e siècle athénien, on ostracise beaucoup. 13 000 tessons inscrits ont été retrouvés dans l'agora par les archéologues. Ils sont très nombreux à subir cette procédure de répression qui disparaît dans son application au 4e siècle, mais pas sa puissance de dissuasion sur les élites qui voudraient se soustraire aux principes démocratiques, toujours sous la menace du pouvoir déterminant du peuple sur sa classe dirigeante. L'ostracisation est brutale, parfois même infamante. Sur certains ostracones, on trouve des images typiques de serpents ou encore de chiens qui représentent la laideur des vices punis. L'ordre de quitter la cité se fait parfois très direct. On trouve l'équivalent d'un très franc « casse-toi » sur l'ostracone d'un certain Simon, fils d'un homme politique de premier plan, accusé d'entretenir des relations incestueuses avec sa sœur Elpinike, elle aussi priée de plier bagage. Les mœurs étaient pleinement intégrées à la liste des vertus citoyennes exigées en démocratie. Faire l'histoire, c'est tous les samedis à 18h15 sur Arte et toute la première saison sera en ligne dès demain sur arte.tv. L'histoire racontée à partir des objets par les historiennes et les historiens qui la font bien.